Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, du changement de régime à la prise d'otage. Qu'est-ce qui a fait aussi cette audience de Khomeini au-delà des mosquées? Avec le Shah, c'était notre peuple était un peuple méprisé. Et aucun peuple n'accepte pas d'être méprisé. Plein feu sur l'Iran. Le pays était en plein chaos et personne n'osait parler de problèmes politiques, de désordre. Les États-Unis, qui avaient vendu des armes massivement aux Shah pendant les années qui ont précédé la prise d'otages, ils n'avaient quand même pas réussi à comprendre qui étaient ces gens de l'opposition et à établir un réseau autre que celui du Shah. Deuxième épisode, un hôte attendu. En Iran, depuis le 5 novembre 1978, où le centre de Téhéran a été saccagé, le Shah a imposé le couvre-feu. Il a également décrété la loi martiale. En réponse, il reçoit une énorme campagne de désobéissance civile. 10 et 11 décembre 1978, jour de Tashua et Ashura, une grande manifestation est prévue. Le général Ovezi, alors en charge de Téhéran, est prêt pour l'épreuve de force. Mais le Shah en personne refuse cette option. Il interdit aux soldats de tirer sur la foule. Il fait retirer ses blindés du centre et du sud de la ville. Pendant 2 jours, plus d'un million de personnes défilent dans les rues de Téhéran. Bernard Ourcade. Le jour des grandes manifestations de Tashua et Ashura, tout le monde s'attendait, l'armée et le Shah, à ce que la foule populaire et bolchevique et prolétaire du sud de Téhéran prennent d'assaut le palais de Niavaran et les beaux quartiers. Là, on avait bouclé les quartiers nord de Téhéran. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. La manifestation a eu lieu d'est en ouest, en plein milieu du centre de la ville. Il n'était pas question pour les gens d'aller prendre le palais du Shah, d'aller faire une révolution sociale. C'est une révolution d'une autre nature. On était dans une phase déjà post-soviétique. On n'avait pas vu à l'époque qu'il y avait une phase pré-islamique, en quelque sorte. La première grande manifestation qui a été faite en Iran après que je suis rentré et qui était une des premières grandes manifestations, c'est la manifestation de Tashua, c'est-à-dire 9e jour de Muharram, qui pour moi c'était comme une sorte de compte à rebours qui a été mise en marche, qui a continué jusqu'à la chute du régime de Shah. Ahmed Salamatian. Pour ces manifestations de Tashua, où j'ai participé dans le comité de l'organisation des manifestations. Je me rappelle très bien l'ensemble des organisations politiques de Téhéran, toutes tendances confondues, n'ont réussi à nous présenter qu'au comité de la préparation des manifestations que 2700 personnes comme service d'ordre. Du fait même qu'on n'avait pas les noms. Du fait même qu'on ne savait pas quoi faire, on a décidé de faire des banderoles sur lesquelles on allait mettre un tampon et un numéro et on donnerait le matin avant les manifestations devant là où habitait l'ayatollah Tahrani à des responsables ou des correspondants de chaque organisation. Nous avons commencé dès 5h du matin, la manifestation devrait commencer à 8h. Et très vite, 20 minutes après, on s'est rendu compte que nous n'avons pas suffisamment de cette petite bandeau qu'on mettait autour de bras des gens. Et on était obligé d'envoyer des gens d'aller chercher des milliers de mètres de ces tissus. On mettait pendant un certain temps le tampon. Après, on n'a pas pu mettre le tampon et les numéros. Et on a essayé uniquement de calculer combien on avait donné de bandeaux de service d'ordre uniquement par le métrage de bandeaux utilisés. Et on a fait le calcul que, grosso modo, nous avions distribué pour 75 000 personnes. C'était 75 000 personnes qui, peut-être, c'était leur premier acte politique organisé. Nous avions discuté avec le Shah et le comité d'organisation que l'armée se retire pendant 48 heures, que les manifestants prennent en main la sécurité de la ville et qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Hassan Naraghi. Tashua était organisé, mais Ashura était débordé par les extrémistes de gauche, et par les mujahidines, par les fadaïnes, par toutes sortes de tendances gauchistes. Et c'était incroyable. Et j'ai raconté au chat que le lendemain de tâche de Ashura, je suis allé à 6h du matin avec ma femme de suivre le trajet que les manifestants ont traversé. Eh bien, toutes les graffitis sur les murs de la rue, la grande principale artère de Téhéran, c'était abominable. J'ai donné au chat l'image d'un grand orage qui fait venir les profondeurs, tout ce qui se trouve dans la mer qu'on n'imagine pas au rivage. Il paraît que les gens, ils ont chanté, ils ont dansé. Comment voulez-vous croire que les gens, que le deuil de Hussein, ils dansent? Mais je dis, Majesté, ça n'a pas d'importance, c'est symbolique tout ça. Cette danse n'est pas la danse de joie personnelle, c'est la danse de solidarité et de rappel historique. Sur un air de comptine, une petite fille dans la foule des fidèles, à Nauf-le-Château. Si tes joues sont si roses, Chadiran, c'est grâce à notre sang, grâce au sang de ton peuple. Un jour, le chat m'a dit, qui sont ces gens qui distribuent le tract? Il y avait un garçon qui nous a servi le thé, et quand il est sorti, je dis, Majesté, je ne veux pas accuser ce pauvre garçon, mais tous ces gens-là qui sont dans vos palais, le jardinier, tous les gardiens, vous ne savez pas. L'armée, par exemple, les dernières années, on ne prenait que des diplômés. Et ces diplômés avaient des idées du chariati, étaient déjà orientés politiquement. Donc on ne savait pas qui est et qui est contre, qui est pour. C'est comme ça que c'est ça qui crée le vertige pour un homme de pouvoir. Ahmed Salamatian. Dans les nuits de Ashura et Tassoua, on avait instauré un couvre-feu total et même avait coupé le Téhéran en deux parties. Le nord de Téhéran, il y avait des barrages de militaires qu'il fallait passer. Le mot d'ordre des manifestants à cette époque-là, c'était qu'il y a une partie des manifestants qui disait « dit, dit » et une autre partie qui répétait trois fois « mort au chat, mort au chat, mort au chat ». Nous sommes arrivés devant le barrage des militaires. Et le militaire nous a demandé de baisser les vitres. On a baissé les vitres. Il a dit « dit ». Et les gens qui étaient dans la voiture derrière ont répété trois fois « mort au chat ». Il a laissé la voiture partir. Pour applaudir l'ayatollah, dites « Allah est grand ». Mais pour m'applaudir, battez seulement des mains. Azadeh Kian, chercheuse iranienne, présente dans les manifestations de décembre 78 à Téhéran. C'est quelque chose qui a été, au départ, l'œuvre d'une minorité, mais petit à petit, ça s'est élargi à toute une population. Population urbaine, parce qu'il faut savoir que la révolution iranienne était une révolution urbaine exclusivement, et c'était une révolution donc moderne. Quelque chose qui me frappe encore aujourd'hui, c'est en 78, lors de l'état de siège, c'est-à-dire on était sous le gouvernement de Asari, gouvernement militaire, les jeunes qui manifestaient, qui appartenaient aux obédiences de gauche en général, ces jeunes-là étaient entourés, donc encadrés par des militaires. Donc à tout moment, tout le monde pensait qu'on allait être attaqué par les militaires. Mais ce ne sont pas les militaires qui ont attaqué ces manifestations, ce sont les hommes barbus et les femmes voilées en noir, en tchador noir, qui ont attaqué les manifestants. Malgré ces attaques, les laïcs ont accepté de continuer à participer à ce mouvement avec le clergé et avec la direction cléricale. En plusieurs reprises, dès 77 et encore en 78, il y a eu des manifestations organisées par les intellectuels laïcs sous le nom de solidarité, la semaine de solidarité, etc., etc. Donc, je crois que cette solidarité qu'on connaît, que Ayatollah Khomeini a plus tard appelé Vahdat-e Kalameh, c'est-à-dire l'unité de mots, était l'œuvre, en fait, des laïcs et non pas de la direction cléricale de la religion. Ehsan Naraghi. Dès le premier temps, c'était en septembre 1978. À la fin de Ramadan, Et la première fois, les gens du sud et les femmes en voile, ils sont venus au nord de Téhéran et ils ont fait une grande prière dans un terrain vague. Et je me rappelle ce jour-là, Paul Balta, qui couvrait pour Le Monde les événements de Téhéran, il était chez moi avec deux, trois journalistes. Alors, ils m'ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai dit, eh bien, aujourd'hui, pour la première fois, les gens du Sud, parce que quand on dit le Sud et le Nord, c'est la bourgeoisie, et le Sud, c'est la 80% de population des Bazaris qui vivaient selon les rites traditionnels. Et alors, je disais à ces journalistes, voyez-vous, c'est pour la première fois que les gens du Sud, avec les tchadors, les femmes, les hommes, avec leur habit simple, ils ont occupé le nord de la capitale. J'ai l'impression, je n'avais pas l'idée de la révolution, mais j'avais cette idée nette que j'ai dit, que d'ailleurs Paul Balta a publié. J'ai dit, j'ai la nette impression qu'ils ne quitteront plus le nord. Ça veut dire, cette population qui était à l'époque du Shah considérée une population complètement marginalisée, sans aucun pouvoir politique, pour la première fois, elle prenait en main les opérations et elle s'imposait aux gens du Nord et à la capitale. Vivante cette semaine, plein feu sur l'Iran. Aujourd'hui, un hôte attendu. Comment comprendre cette fusion des oppositions à la fin de l'année 1978 en Iran ? Religieux, non religieux, parti de gauche, parti communiste, l'ensemble regroupé. Le seul et unique Shah d'Iran comme cible de toutes les critiques est-elle la seule clé d'explication ? Azad et Kian. Je voudrais insister sur le rôle de la classe moyenne moderne. Et je crois que si on analyse, on écoute le discours de l'ayatollah Khomeini à l'époque, quand il se trouvait à Naufle-Château, tout ce qu'il disait sur le gouvernement islamique, c'était pour rassurer la classe moyenne moderne, la nouvelle classe moyenne, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui avaient fait des études supérieures, qui travaillaient en Iran et qui aspiraient aux valeurs de la démocratie occidentale, des idées modernes. Pourquoi l'ayatollah Khomeini disait que les femmes, sous le gouvernement islamique, pouvaient continuer à travailler, à avoir toutes les libertés? Pourquoi est-ce qu'il disait que le gouvernement islamique serait un gouvernement démocratique au sens propre du terme, sous lequel la liberté sera totale? C'était pour rassurer la classe moyenne moderne. Parce qu'il savait que si les universitaires, les étudiants, toutes ces femmes qui étaient actives et qui travaillaient, qui étaient modernes, qui n'étaient pas nécessairement religieuses ni traditionnalistes, ne s'adhéraient pas au mouvement, ce mouvement n'aurait pu aboutir à une révolution triomphante. Il y a beaucoup de femmes laïques qui ont accepté de porter le voile, mais en signe, encore une fois, d'une unité de mouvement. Cela ne veut pas dire qu'elle était tout à coup devenue religieuse ou islamiste. Ça n'était pas le cas. Mais pour respecter, si vous voulez, les sentiments de la majorité de la population qui restait quand même traditionnelle, d'une part, et d'autre part, parce que l'ayatollah Khomeini leur a rassuré que sous son gouvernement, elle serait complètement libre, etc. Bien sûr, c'est un discours qui a été rétracté tout de suite après la victoire de la Révolution. Mais pour ces femmes-là, comme pour d'ailleurs les hommes, y compris M. Banissard, Salamatian, etc., qui étaient quand même des acteurs de cette Révolution, bon, tout le monde a cru le discours de l'ayatollah Khomeini, puisqu'il s'agissait justement d'une source d'imitation, d'une personnalité religieuse, d'une haute autorité religieuse. Et donc, pour certaines personnes aussi, il s'agissait d'une autorité religieuse qu'il fallait respecter. Et donc, on pensait qu'il allait évidemment suivre son discours et ses promesses. Ahmed Salamatian. Moi, je crois que l'élément le plus important de la révolution iranienne, c'est que c'est une grande révolution populaire. On a rarement vu dans l'histoire du monde une révolution mobiliser autant de personnes dans la phase de la conquête de pouvoir. Je peux dire qu'en Iran, jusqu'à le moment de la chute du Shah, c'est-à-dire pendant cet automne-hiver 1978 et début de printemps 1979, il y a eu plus de 80 à 90% de la population qui a participé. En plus, il a participé en direct. C'est-à-dire, ça c'est une autre particularité, que par l'effet de l'écho et des miroirs qui se renversent, a renforcé encore le mouvement, le fait même qu'il y avait la radio, la télévision et une partie de la révolution, ça se passait à Paris, c'est-à-dire dans l'endroit où l'écho mondial de l'information est le plus important, ça faisait que par la résonance, cette participation, cette mobilisation populaire devenait de plus en plus dense et intense. En plus, la concordance de le calendrier de l'action révolutionnaire avec un calendrier religieuse historique bien établi depuis millénaires en Iran faisait que c'était une révolution d'une certaine manière programmée d'avance au point de vue de ces dates. Il ne fallait pas que le comité central décide de la date de prochaine manifestation, de la date de prochain anniversaire. C'était tous les 7 jours, tous les 40 jours, les fêtes religieuses, les uns après les autres. به این که اعقاب این سلطان همان همان باشن Fin décembre 1978, Téhéran est paralysé. Mohamed Reza Shah s'est coupé depuis trop longtemps, coupé des problèmes de sa population. Il est entièrement tourné vers la modernisation du pays. Faire de l'Iran la 5e puissance du monde, voilà son obsession, voilà son projet. Entretien, août 1978, au micro d'Edouard Laure, qui, en prélude, évoque l'impression que lui a laissée cette rencontre. Je l'ai rencontré il y a 2 ans, et là je veux dire, quand il est rentré dans le salon du palais impérial, il rentrait de vacances, 40 jours sur la mer Caspienne, et je l'ai trouvé vraiment très très pâle et très fatigué. Sur le fond, je l'ai trouvé beaucoup moins sûr de lui. Il répondait pas vraiment aux questions, il rentrait pas dans le fond des questions. Très amer contre tout son entourage, des gens qui le sentent, qui le lâchent, et aussi contre les réactions de sa politique à l'étranger, contre les critiques qui le visent personnellement. Majesté, merci de nous recevoir et pardon si certaines questions peuvent vous paraître un peu brutales. La première question que j'ai envie de vous poser vous touche peut-être personnellement. On a beaucoup associé votre dynastie, votre personne, aux événements de ces derniers jours, en allant même jusqu'à employer les mots « fin de règne ». Eh bien, je ne suis pas du tout étonné de cela, puisque chaque événement qui se passe et qui arrive montre que c'est une action tout à fait coordonnée pour contre le régime, contre ce que notre règne a représenté, un Iran indépendant, libre, et qui ne soit pas aux ordres de l'étranger. Et aujourd'hui, un pays qui marche très vite vers l'industrialisation et devenir une force et un élément de stabilité dans la région. Je ne suis pas du tout étonné. Voyons, Majesté, ce qui se passe en Iran depuis quelques mois. Vous avez dénoncé les responsables des émeutes comme étant des marxistes islamiques. Comment peut-on être à la fois marxiste et islamique? Mais c'est eux qui s'appellent comme cela. Ce n'est pas nous qui leur avons donné ce titre. Ce sont eux-mêmes qui s'appellent comme cela. Et justement, c'est cela, exactement la même question que nous nous posons. Comment peut-on être marxiste et religieux en même temps et croire en Dieu, puisque l'un n'y croit pas et l'autre, soi-disant, y croit? C'est quelque chose de... Enfin, une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse prétendre. Quelle est l'identité de l'opposition en Iran? Aujourd'hui, c'est la destruction. Aujourd'hui. Détruire, ensuite, évidemment, dans la plupart des cas, comme vos terroristes en Europe, je me demande s'ils savent avec quoi ils veulent remplacer l'ordre existant. Vous avez entrepris, Majesté, un programme de libéralisation, le monde le reconnaît. Vous avez promis des élections libres, en principe pour juin prochain. Je voudrais vous prendre un simple exemple. Est-ce que, par exemple, un candidat communiste ou un candidat socialiste pourra se présenter? Cette question m'a été posée l'autre jour. Ma réponse était que, d'après nos lois et notre constitution, lorsque un député entre dans la Chambre, il doit prêter serment. S'il est prêt à prêter serment à ce que tous les députés devront faire, pour moi, il n'y a aucun obstacle. Mais naturellement, le communiste, il est illégal, il est hors la loi. Mais les autres idées sont acceptées. Et là, ma seule réponse est celle-ci. Comment est-ce qu'il va prononcer son serment? Justement, parce que le serment est de jurer fidélité à la monarchie absolue. Absolue? Comment absolue? À la monarchie constitutionnelle. Alors, je ne vois pas très bien comment on peut être dans l'opposition. Il dit que il se resterait fidèle à la monarchie tant que la monarchie respecterait les droits du Parlement. C'est une question qui intéresse malheureusement encore beaucoup les pays étrangers. Combien reste-t-il de prisonniers politiques en Iran aujourd'hui? Oh, plus beaucoup. Enfin, ce dernier temps, ceux qui ont saboté, qui ont, vous savez ce qu'ils ont fait, si on les a arrêtés, on ne peut pas les appeler prisonniers politiques. Qui ont incité la foule aux émeutes, ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler. Mais les chiffres qui existaient avant, qui un jour atteignaient près de 3000, maintenant sont dans l'ordre de 1000 au maximum. Amnesty International cite le chiffre de 30 000. 30 000? Oui. Nous n'avons jamais eu plus de 3 000. 3 200, si vous voulez. Naturellement, il faut aller vers une démocratisation. Et nous allons adopter les mêmes lois qui existent, disons, en France. Pour les libertés d'expression, liberté de manifestation, nous allons vous copier. Et c'est ma volonté, après avoir mûrement réfléchi, que c'est la voie à suivre. Avec le pluralisme politique. Oui. Oui. Mais j'ai aussi juré de sauvegarder notre constitution et l'indépendance de mon pays. On dit, Majesté, que vous êtes arrivé au pouvoir avec l'appui des Américains. On dit aussi que ce sont les Américains qui vous ont poussé à entamer cette politique de libéralisation. Les Américains sont-ils toujours à vos côtés aujourd'hui? Il y a 25 ans, lorsque le peuple s'est soulevé pour me rappeler, des femmes, même voilées, des enfants, des vieillards, tout le monde a participé. Paraît-il, d'après ce qui a été publié ensuite, les Américains prétendent avoir dépensé 60 000 dollars pendant ces deux journées fatidiques, il y a 25 ans. Bien sûr, avec 60 000 dollars, vous pouvez faire une révolution. Eh bien, c'est à vous d'y croire ou pas. J'ai l'impression que vous êtes un peu déçu, Majesté, de tenter de faire quelque chose pour votre pays et peut-être de ne pas être compris, d'être seul. Non, pas tellement. Je crois, j'ai toujours été très mystique. Je crois que je dois accomplir quelque chose. Et rien d'autre ne m'intéresse que de croire à ce que je fais est en rapport avec ma destinée et ce qui avait été décidé que je fasse. Notre épisode était intitulé « Un hôte attendu », une réalisation de David Golan. Demain, la suite de cette évocation. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.